Touareg, un voisin très, trop remuant, la Libye, et de l'uranium, beaucoup d'uranium, voilà comment on peut résumer les trois questions les plus brûlantes du petit Niger, petit par la population, grand par l'espace. Trois questions auxquelles il faut ajouter celle-ci. Une extrême pauvreté qui vaut à ce pays d'être classé au dernier rang mondial du développement par les instances internationales, alors même qu'il possède un très riche sous-sol. Mais il y a aussi la sécheresse qui accable régulièrement le Niger et affame ses populations les plus vulnérables, c'est-à-dire d'abord les centaines de milliers de nomades qui vivent dans les zones désertiques du Sahel et du Sahara. Depuis l'indépendance acquise en 1960, la France a toujours surveillé de près son ancienne colonie, ne serait-ce que parce qu'elle y contrôle la production de l'uranium nécessaire au fonctionnement de ses centrales nucléaires et à la fabrication de son arsenal atomique. Mais des intrus venus de Pékin ont commencé à mettre en cause ce monopole et se sont même intéressés au pétrole prêt à jaillir en quantité dans la région, une nouvelle calamité pour le Niger. D'autre part, c'était l'essentiel du propos de M. X la semaine passée, le Niger doit composer avec une population nomade impatiente qui revendique sa différence et réclame des droits. Une composante ethnique qui a souvent été le jouet du voisin libyen, toujours prêt à fomenter des troubles dans le précaré français. En 1985, pour la première fois, les armes parlent lors d'un grave incident qui oppose un commando Touareg aux forces nigériennes. La situation se tend un peu plus. Le calme ne reviendra plus jamais et le Niger doit aujourd'hui faire face à une vraie rébellion dans un contexte international de plus en plus sensible, les États-Unis considérant aujourd'hui que le Sahara est un nouveau sanctuaire du terrorisme islamique et donc d'Al-Qaïda. Dans un instant, la suite du récit de Monsieur X. Le Niger, je vous le rappelle, vit sous une dictature militaire à partir de 1974. Ouais, avec toutes les atteintes aux droits de l'homme que cela entraîne. Hein. Bien entendu. Mm. Mais fin 1987, le maître du pays, Séni Kouché, malade depuis des années, finit par mourir. L'homme qui lui succède, un autre militaire, le colonel Ali Sahabou, apparaît d'emblée moins rigide. Il a surtout compris que son pays avait besoin de changements et d'un retour progressif à l'état de droit. Il va donc d'abord conduire une réforme constitutionnelle et assouplir le régime. Un retour vers la démocratie ? Bon, n'exagérons pas. Lors des scrutins législatifs et présidentiels de 1989, seuls les candidats du parti unique sont autorisés à se présenter et obtiennent des scores littéralement soviétiques, plus de 99% des suffrages. La démocratie, bon. Oui. Mais l'apaisement politique et social obtenu par cet assouplissement relatif n'est que de courte durée. En 1990, une manifestation d'étudiants donne lieu à de violentes échauffourées, durement réprimées par les forces de l'ordre et qui provoquent plusieurs morts et des dizaines de blessés. Ouais. Alors, la dictature est donc toujours à l'ordre du jour. Tout à fait. Ouais. Il faut souligner que l'agitation au Niger correspond aussi au fameux discours de La Baule. Ah oui, ça c'est le discours de François Mitterrand. Mm-hmm. Un discours qui semble quand même marquer un tournant de la France dans ses relations avec l'Afrique. En effet, le président français dit assez crûment aux dirigeants africains que désormais l'aide de notre pays sera conditionnée à l'instauration de la démocratie et du multipartisme. À l'époque, ça produit un certain choc. Mais rapidement, on en reviendra aux mauvaises habitudes. Oui, aux méthodes traditionnelles en usage dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la France-Afrique. Et qui est aujourd'hui fortement concurrencée par la Chine-Afrique. On en reparlera, car c'est maintenant un sujet brûlant, en particulier au Niger. En attendant, revenons à cette année 1990. Tandis que le maître du pays, le colonel Ali Sahabou, lâche du lest sur le plan politique et en raison de la détérioration de la situation économique, doit obéir aux ukases de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La question de Touareg revient au premier plan. Mais pourquoi alors ? La responsabilité en incombe indirectement à Ali Sahabou. En 1989, à l'issue d'un voyage en Libye, le dirigeant nigérien lance un appel à tous les jeunes gens qui se sont exilés. Mais tous ces jeunes gens qui sont partis à cause de la sécheresse. Du manque de travail aussi. Ces citoyens nigériens sont partis en Algérie, mais surtout en Libye, où Kadhafi a tenté de les incorporer dans sa légion islamique. Avec un succès mitigé. Oui, ces exilés Touareg n'ont aucune envie d'aller combattre sur des fronts lointains pour les beaux yeux de Kadhafi. Donc Ali Sahabou leur demande de revenir chez eux. Et c'est ce qu'ils vont faire ? En effet. Les échomards, comme on les appelle, sont nombreux à entendre cet appel. Quoi, les échomards, ça vient d'où ça ? Bon, c'est tout simplement une déformation du mot chômeur. Addis Abou, pour les faire revenir, leur a promis du travail et de bonnes conditions d'insertion. Mais il est incapable de répondre aux espoirs de ces échomards. D'autre part, ces jeunes gens ont acquis en Libye une expérience militaire et coupés de leur milieu d'origine, et ils ont aussi oublié l'obéissance qu'ils doivent traditionnellement à leur chef de clan. On se trouve là devant une masse turbulente, peu disciplinée. Oui, surtout très impatiente. Les échomards ne tardent pas à contester les conditions matérielles précaires qui leur sont faites. Et dans les camps où ils sont parqués, ça commence rapidement à grogner. Les conséquences sont à la mesure de cette déception. Des échomards prennent d'assaut les sièges de quelques organismes officiels, préfectures, gendarmeries et même bureaux de poste. Cette agitation se focalise dans la petite localité de Chin-Tabaraden. Là où de graves incidents se sont déjà produits en 1985, c'est ça ? Oui, ce n'est pas un hasard. Près de cette sous-préfecture, plusieurs milliers d'échomards sont regroupés dans un camp. Et l'armée nigérienne commence à procéder à des arrestations. Puis elle va se livrer à une sévère répression. Des parrains interviennent, et des automitrailleuses procèdent à un véritable bombardement de la localité, tandis que les soldats pratiquent des ratissages dans les camps des échomards. Manifestement, la réponse est disproportionnée, et elle prend rapidement un caractère d'une extrême brutalité. C'est-à-dire Les parrains se livrent à de véritables massacres, et procèdent même à des exécutions. Au total, selon la version officielle, on comptera 70 morts. Mais les organisations internationales évoqueront un chiffre beaucoup plus important, au moins 600. Quant aux Touaregs, eux, ils parlent d'un millier de victimes. Un bilan terrible. Mais ici, il faut faire plusieurs observations. D'abord, l'homme qui est responsable de cette sanglante répression et occupe alors les fonctions de ministre de l'Intérieur n'est autre que le président actuel, Mamadou Tandja. Un homme qui sera dès lors, je l'imagine, haï par les Touaregs. Forcément. D'autre part, les auteurs de la répression, simples acteurs ou responsables de ces exactions, ne seront jamais vraiment inquiétés. Et la commission d'enquête, qui sera finalement nommée, sera impuissante à désigner les vrais coupables. Enfin, et c'est sans doute le plus important, cette tragédie va nourrir durablement le sentiment identitaire touareg, et donc les revendications qui en découlent. Et les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Oui, en tout cas, ces terribles événements poussent le président Ali Saïbou à engager le régime dans la voie de la démocratisation. Il réunit une conférence nationale en 1991 et instaure le multipartisme. Ces décisions soulèvent un grand espoir, et particulièrement dans la communauté touareg. Mais tous les observateurs s'accordent à dire qu'il s'est agi d'un rendez-vous manqué. Et d'abord parce que la lumière n'a jamais été faite sur les massacres de Chin-Tabaraden. Et c'est responsable, hein ? Et si vous me permettez cette expression, les militaires n'avaient pas envie de porter le chapeau. Et ils se défaussaient sur le pouvoir politique. Ah oui, le donneur d'ordre. Ils menaçaient. Ça explique pourquoi on en est resté là. Donc, la plaie demeurait ouverte. Mais les Touaregs n'étaient pas décidés à en rester là. Avant d'aller plus loin. Est-ce que la Libye, a joué un rôle dans ces événements ? Apparemment, non. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des échomards venaient de Libye. Donc il est possible que certains d'entre eux aient été manipulés par Kadhafi. C'est possible, mais je n'en ai pas la preuve. Alors, vous avez dit que les Touaregs étaient décidés à réagir. Oui, et pour la première fois, ils ont commencé par essayer de rassembler leurs forces. Ce qui n'était pas évident pour des nomades et des tribus assez disparates et même souvent divisées. Il faut aussi observer qu'à partir des terribles événements que je viens d'évoquer, le calme n'est jamais revenu dans les régions où nomadisent les Touaregs. Une rébellion sporadique. Et une multitude de petits incidents localisés. Alors, cette tentative d'unification. En 1991, on voit la création du FLAHA, le Front de Libération de l'Aïr et de l'Azawak, deux régions sahéliennes du Niger. Le fondateur est un certain Rissa Boula, employé et actionnaire d'une agence de voyage, créé par un homme dont nous allons beaucoup parler, Manu Dayak. Et quel est l'objectif de ce Front de Libération ? À la reconnaissance des droits des Touaregs et une juste répartition des ressources du pays. Oui, l'uranium. Évidemment. Ouais. D'autant que le précieux minerai est extrait de régions traditionnellement dévolues aux nomades. Donc ils veulent avoir leur part du gâteau. Et pour faire aboutir leurs revendications, ils sont prêts à avoir recours à la lutte armée. Et très vite, on s'aperçoit que ce front fort de quelques centaines d'hommes, dispose d'un arsenal militaire non négligeable, véhicules tout-terrain, lance-roquettes et Kalachnikov, et même deux automitrailleuses. Ouais. Et ça pose la question de la provenance de ces armes. Eh, bien sûr. Et on ne peut pas ne pas regarder vers le nord. Bah, la Libye. Ça me semble évident. Ouais. Mais aussi l'Algérie, qui est concernée par la question Touareg. L'Algérie qui entend devenir une puissance tutélaire dans la région. Et qui donne donc un coup de main à la rébellion Touareg, hein ? C'est certain. Il faut par ailleurs souligner que ces groupes armés sont très efficaces, parce qu'ils connaissent bien le territoire et qu'ils sont très mobiles. Au fond, leurs actions reprennent la tradition des Redzou d'autrefois, à la différence près que le 4x4 a désormais remplacé le Chameau. Certes, ces actions ne sont pas en mesure de causer de vraies difficultés militaires à l'armée nigérienne, mais elles entretiennent un climat d'insécurité générale dans tout le nord du pays. Et donc, dans les régions où l'on extrait l'uranium. Et ça inquiète fortement la France, qui ne va pas tarder à mobiliser ses services secrets. Manuel Grégoire, auteur d'un ouvrage de référence sur les Touaregs, analyse ainsi les conséquences de cette rébellion sporadique des nomades. La multiplication de ces attaques eut des répercussions sur le moral des forces armées nigériennes, dont certains éléments se mutinèrent. Le mouvement de la troupe, 26 février au 3 mars 1992. Des militaires du rang prirent en otage le ministre de l'Intérieur et le président du Haut Conseil de la République. Ils firent ensuite sortir de prison le capitaine Malachi Bouérema, que les mutins considéraient comme un militaire exemplaire. À leurs yeux, il n'avait fait qu'accomplir son devoir à Tchindamaraden en exécutant les ordres de sa hiérarchie. À l'issue de longues négociations, le gouvernement et les principaux organes de la transition parvinrent à ramener les mutins de leur caserne en concédant une mise en liberté provisoire au capitaine Malachi. Ce retour au calme fut éphémère, puisqu'une seconde mutinerie se déclencha le 26 août 1992 après l'assassinat d'un officier de police à Agadez. Militaires, policiers, gardes républicains et douaniers s'en prirent à des personnalités politiques et administratives touareg, les accusant d'être de connivence avec la rébellion. Elles arrêtèrent 186 personnes, notamment à Niamey et à Agadez. Celles-ci furent relâchées en avril 1993 sous la pression des autorités, les dernières en contrepartie de la libération des prisonniers détenus par la rébellion. Le livre de Grégoire sur les Touaregs du Niger a été publié par Cartala en 1999. Alors, vous m'avez parlé d'une intervention des services secrets français. Oui, oui, il fallait faire vite car la situation allait en se dégradant. D'une part, les forces armées nigériennes accentuaient la répression contre la rébellion. Et d'autre part, parce que ces rebelles se livraient à des actions de plus en plus violentes. En janvier 1993, par exemple, un commando touareg attaque une localité où sont détenus quatre des leurs. Bilan, 9 morts. Un peu plus tard, dans une vaine tentative de récupérer une trentaine de militaires et de fonctionnaires pris en otage par le Front de Libération, l'armée arrête une vingtaine de militants et se livre à un véritable massacre. 36 civils sont tués. 36, c'est bien. Donc la situation ne fait donc qu'empirer. C'est exact. C'est donc pourquoi la DGSE, notre service de renseignement, va s'en mêler. Et d'abord, j'imagine, soyons réalistes, à cause de l'uranium. Bon, il est certain que pour Paris, cet aspect est crucial. Mais ce qui est notable dans cette affaire, c'est que nos agents secrets vont se muer en diplomates. Diplomates, dans l'ombre, bien sûr. Il ne peut en être autrement. Mais réellement, vraiment, ils vont jouer les messieurs bons offices. Entre la rébellion et le gouvernement nigérien ? Et une mission à haut risque, car de part et d'autre, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, il y a des réticences. Même de franches hostilités. Au ministère français des Affaires étrangères, on n'apprécie guère cette immixtion de la DGSE dans un domaine réservé. Et l'on est même à Niamey, où certains chefs de l'armée estiment que seule la force permettra de venir à bout de la rébellion touareg. Malgré tout, mais il est permis d'espérer, car la démocratisation du régime nigérien gagne du terrain. En mars 1993, une nouvelle constitution est adoptée, et c'est un civil, Mahaman Ousmane, qui est élu à la présidence de la République, tandis que l'armée regagne ses casernes. Alors, fin de la dictature militaire ? Oui, il n'est pas exclu que la DGSE ait permis discrètement cette transition démocratique. On assiste donc là à une évolution significatif de la mission des services secrets français qui, dans le passé, ont souvent, privilégier les mauvais coups. Enfin, là où l'État ne peut pas agir ouvertement, oui. Et ce changement est essentiellement dû au patron de l'époque de la DGSE, le préfet Silberzin, qui pense que les services, en agissant naturellement dans la plus grande discrétion, peuvent parfois se poser en médiateur, ou en facilitateur, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, les agents de la DGSE ne ménagent pas leur peine pour aboutir à une trêve entre les belligérants. Et ils vont réussir ? Au moins provisoirement, oui. Mais à la faveur de la deuxième cohabitation, Silberzin sera remercié. Et le Quai d'Orsay recouvrira ses prérogatives traditionnelles. Alors c'est la fin de la médiation de la DGSE. En effet. Il sera tentant d'en revenir à des missions autrement plus habituelles. Enfin, n'allons pas trop vite. Bien sûr. Il me faut ici parler d'un homme dont j'ai déjà brièvement évoqué le nom, Mano Dayak. C'est lui qui, du côté Touareg, va assumer la responsabilité de la négociation. Non sans d'ailleurs susciter quelques jalousies chez les siens. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les Touareg connaîtront trop souvent la tentation de la division, ce qui permet à certains spécialistes de la question de mettre en doute l'existence même d'une nation Touareg. Oui, on en a parlé. Hein. Mmh. Alors, qui est ce Mano Dayak hein mmh. Première originalité, ce Touareg, à la différence de nombre de ses compatriotes, est un homme éduqué, comme on disait à l'époque. Sujet brillant, Mano Dayak a étudié aux États-Unis et a même suivi en France les cours de l'ethnologue Germaine Tillion. C'est sans doute pourquoi il a pris rapidement conscience de l'état de dénuement dans lequel vivaient ses frères, souvent contraints à s'exiler pour survivre. Et ça l'a conduit à s'engager ? Pas tout de suite. Politiquement, j'entends. Non, de façon assez maligne, Mano Dayak choisit d'abord le tourisme. C'est-à-dire ? Il sait que son pays et le mode de vie des siens font rêver les Occidentaux. Ah oui, le mythe des seigneurs du désert. C'est ça. Et avec l'aide de sa femme, une Française, il fonde une agence de voyage qui permet à tous les amoureux du désert de réaliser leurs rêves d'aventure. En même temps, il ne fait pas de doute que ce jeune homme, entreprenant et très charismatique, en profite pour populariser la cause de son peuple. Dans les années 80, Mano Dayak devient une sorte de porte-parole des Touaregs et participe à de nombreux programmes dans les médias. Il est même associé à l'organisation du rallye Paris-Dakar. Ouais, bref, Mano Dayak devient une vedette. Oui, c'est parfaitement exact. Mais ça ne va pas sans lui créer quelques difficultés. Et pourquoi alors ? Au sud, c'est-à-dire dans la partie Afrique noire du pays, on n'apprécie guère que cet engouement touristique ne bénéficie qu'au désert du Nord. Jalousie. Évidemment. Mmh. L'activité de Mano Dayak irrite donc les dirigeants de Niamey. Ouais. D'autant que, déjà, on doit le soupçonner de se livrer à de la propagande en faveur des Touaregs. Oui, aussi, Mano Dayak finit-il par sauter le pas et à s'engager réellement en 1990, c'est-à-dire au moment où les Ichomars sont appelés à rentrer au pays et susciteront les premiers troubles. Mmh. Et Mavéoudi, c'est l'un de ses employés, hein, Rissa Boula, c'est ça, qui était l'origine de la création du Front de Libération. Ce n'est pas un hasard. Mais les rapports entre les deux hommes se dégraderont assez rapidement, puisque Mano Dayak finira par créer une autre organisation. Quoi, un autre Front de Libération ? Oui, mais Mano Dayak n'aura de cesse d'essayer d'unifier ces mouvements armés. Autre point très important, ce leader Touareg est très francophile, ce qui lui sera souvent reproché. Et c'est presque naturellement que les agents de la DGSE s'adressent à lui pour mettre sur pied cette mission de conciliation dont je vous ai parlé. Oui, parce qu'ils ont en face d'eux un interlocuteur compréhensif. Et sincèrement désireux d'aboutir à un apaisement. Alors, mais concrètement, comment ça se traduit En 1994, les négociations entre les Touaregs et le pouvoir central deviennent officielles. C'est donc une réussite pour la DGSE, hein, malgré son retrait. Assurément. La médiation a porté ses fruits. Mais pour autant, toutes les difficultés ne sont pas aplanies, car les représentants des Touaregs veulent que ces discussions débouchent sur un accord global et surtout durable. Oui, on les comprend, mais leurs revendications sont toujours les mêmes ? Grosso modo, oui, même s'ils ont mis un bémol. Ainsi, ils sont désormais prêts à accepter l'autonomie pour les territoires où ils vivent, c'est-à-dire les deux tiers du Niger, une autonomie qui les associerait étroitement au gouvernement nigérien. Mais pour eux, il n'est plus question d'indépendance ou même de fédéralisme. Par contre, ils exigent des ministères et surtout, ils veulent bénéficier d'une partie de la manne de l'uranium. Et enfin, outre l'amnistie pour leurs combattants, ils réclament que ceux-ci soient intégrés dans l'armée nigérienne. Ouais. Ils ont plein de satisfaction ? Contre toute attente, oui. Des accords de paix sont même solennellement signés à Niamey au mois d'avril 1995. Et à Paris, on pousse un ouf de soulagement. Oui, parce que la pérennité de l'exploitation de l'uranium semble assurée. Hein. Mais malgré les apparences, c'est un accord en trompe-l'œil. Ah oui, alors, et pour quelle raison? D'abord, parce que le pouvoir nigérien n'est pas décidé du tout à respecter tous les termes. Et ensuite, parce que le mouvement Touareg va aller de division en division. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est un véritable émiettement qu'on assiste. Mais en face, le gouvernement nigérien en profite. C'est presque forcé. Et on observe de nouvelles exactions perpétrées contre les Touaregs par des milices arabes inféodées à Niamey. Des sortes de harkis, si vous voulez. Et Mano Dayak a... Bon, il a été mis sur la touche par son rival, Rissa Boula. Mais en constatant que le pouvoir nigérien n'entend pas respecter les promesses de l'accord d'avril 1995, il crée une nouvelle organisation et se déclare prêt à reprendre la lutte armée. Cependant, il n'en aura pas la possibilité, car à la fin de cette même année 1995, il va périr dans un accident d'avion. Un véritable accident ? Ou un attentat, c'est ce que vous voulez dire. Eh bien, on ne peut rien exclure. Revenons sur l'action de nos services spéciaux au Niger au début des années 90. Claude Zilberzan était à l'époque le patron de la DGSE. Bon connaisseur de la région et de sa population, il a été l'initiateur de cette mission de conciliation. Dans le livre qu'il a écrit avec Jean Guinel, Au cœur du secret, il écrit ceci au sujet des contacts établis avec les émissaires Touareg et l'organisation de la mission. Le Transal, qui va les chercher clandestinement au cœur du désert, embarque nos agents qui se rendent dans leur campement, discutent sur le terrain et les ramènent finalement à Paris. Une équipe de grande qualité est chargée de cette affaire qui, à plusieurs reprises, séjournera dans le désert. L'opération logistique est superbe, secrète bien évidemment, et parfaitement menée par des hommes motivés qui démontreront à maintes occasions des qualités exceptionnelles, techniques et humaines, auxquelles il faut ici rendre hommage, avec une mention spéciale pour celui d'entre eux, colonel, qui assurera la conduite totale de l'opération. L'Élysée et Matignon ont donné leur accord. Le Quai d'Orsay est au courant et se trouvera mêlé à l'opération pratiquement dès le départ. La coopération envoie un observateur silencieux. Notre réussite dans l'affaire Sénégal-Mauritanie a été appréciée et l'on se prend à penser, effectivement, il y a peut-être place pour une diplomatie secrète dans certains conflits régionaux. L'ouvrage de Claude Zilberzan est paru chez Fayard. Vous voulez donc quelques précisions sur les conditions dans lesquelles Mano Dayak a trouvé la mort. Alors, brièvement, les voici. Il y avait déjà un moment que le leader Touareg voulait se rendre à Niamey pour discuter directement avec le premier ministre nigérien, afin de parler de paix et du respect des accords signés quelques mois plus tôt. Mais qu'est-ce qui en empêchait ? Mano Dayak vivait à nouveau dans la clandestinité. Il se trouvait aux confins du pays, dans le désert montagneux de l'Aïr. Une première fois, au mois d'octobre, il avait pris la piste pour rejoindre la capitale, mais il avait échappé de justesse à une embuscade. 6 pick-up fortement armés l'attendaient. Ouais. Guet-apens. Il avait donc rebroussé chemin. Bien sûr. Il avait décidé de choisir la voie déserte. Encore fallait-il trouver un avion et avoir les moyens de le payer. Mais enfin, l'occasion se présente. Un journaliste français, qui a aussi participé à quelques missions africaines pour le compte de Valéry Giscard d'Estaing, lui offre une place dans son petit avion. Un peu barbouze, votre homme, non ? Bon, en Afrique, on rencontre beaucoup de gens très curieux. Donc, Mano Dayak embarque à bord de l'avion que le journaliste pilote lui-même. Mais l'appareil a à peine décollé qu'il explose. Tous les passagers sont tués. Alors, bien entendu, on a prétendu que l'avion était vieux et mal entretenu. N'empêche qu'on peut se poser des questions. Oui, parce que ça ressemble à un attentat. Ça en a tout l'air. Et les mobiles ne manquent pas. Mano Dayak, je vous l'ai dit, avait repris la lutte armée. À Niamey, sans contrarier plus d'un. Au gouvernement. Et dans les cercles militaires. Autre chose, Mano Dayak comptait de nombreux rivaux au sein de la communauté Touareg. Beaucoup lui reprochaient les liens très étroits qu'il entretenait ou avait entretenus avec la DGSE. Enfin, même à Paris, le pourtant très francophile Mano Dayak commençait à agacer. Parce que la reprise des combats risquait une nouvelle fois de compromettre l'exploitation de l'uranium. Par conséquent, oui, nombreux étaient ceux qui pouvaient souhaiter la disparition de ce Touareg emblématique. Mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Alors la suite. La situation politique se dégrade de plus en plus, et le désordre gagne, des deux côtés d'ailleurs. C'est-à-dire à la fois à Niamey et chez les Touaregs. Oui, oui, la division toujours. Les différents clans se déchirent. Quant au pouvoir central, miné par la crise économique, il est aussi l'objet d'une âpre discorde entre le président et son premier ministre. Et finalement, c'est l'armée qui tranche et reprend les rênes. Un nouveau putsch. Au début, 1996. Et comme d'habitude, la France n'est pas restée passive. À Paris, Jacques Chirac a été élu président de la République et il a emmené avec lui à l'Élysée Jacques Foccart. Je veux bien, enfin, l'ancienne éminence grise du général garde-t-il encore de l'influence en Afrique? Certains de ses réseaux sont toujours en place, quoi qu'il en soit. Et je n'invente rien puisque Foccart l'a reconnu lui-même. Il fallait mettre fin au plus tôt à l'anarchie nigérienne. Ce qui a donc été fait. Naturellement. Officiellement, Paris a condamné l'initiative des putschistes. Mais, curieusement, quelques mois plus tard, la France a consenti au nouveau pouvoir une importante aide financière. Il me faut aussi signaler que cette initiative de Foccart a été la dernière pour le père de la France-Afrique, puisqu'il est mort un an plus tard. En tout cas, ça n'a pas permis au Niger de recouvrer le calme, car le nouvel homme fort du pays, mis en selle par Paris, le colonel Ibrahim Barré Manassara, dit IBM, valait de déconvenu en déconvenu. Malgré le soutien de l'armée. Et les méthodes radicales mises en place, arrestations arbitraires, exactions, tortures, etc. Bref, la panoplie traditionnelle de tous les régimes militaires. Enfin, je vous passe les détails. Mais la situation se dégrade tellement qu'une rébellion éclate en avril 1999 au sein même de l'armée. IBM est tué lors d'un échange de coups de feu sur l'aérodrome de Niamey. Et comment expliquer ce désordre là? Il y a essentiellement deux raisons. D'abord, la chute des cours de l'uranium. Et donc, la diminution des ressources pour l'État nigérien. Oui. Et ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'appétit de démocratie des Nigériens. Ils y ont déjà goûté avant le putsch d'IBM et aspirent à y revenir au plus tôt. Ce qui va se produire à la fin 1999. En dépit de ce nouveau putsch. Oui, oui, l'armée a beau avoir interdit les partis politiques, elle se résout sous la pression de l'opinion internationale et des pays européens, hors la France, a organisé des élections libres. Et c'est le président actuel, Mamadou Tandja, qui est démocratiquement élu. L'homme qui, autrefois, en tant que ministre de l'Intérieur, a durement réprimé la rébellion Touareg. Oui, c'est donc un homme à poigne, et aussi un habile tacticien. Ce qui lui permettra d'être réélu sans problème en 2004, en attendant de solliciter certainement un nouveau mandat l'an prochain. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à la question Touareg. L'homme qui a si durement frappé les rebelles ne sans doute pas le mieux placé pour faire la paix. Vous avez parfaitement raison, et la suite va le prouver. Car Tandja a toujours affirmé que ces nomades ne souffraient d'aucune discrimination et qu'ils étaient aussi bien traités que les autres citoyens nigériens. En outre, pour ce dirigeant qui est réellement décidé à développer son pays, ces Touaregs ne sont que des empêcheurs de tourner en rond, et même des bandits de grand chemin qui menacent la principale ressource du pays. L'uranium. Alors, voyons quand même ce qui se passe chez les Touaregs. Les Touaregs, vous l'avez dit, profondément divisés. Oui, oui, avec la mort de Manu Dayak, des tentatives d'unification des divers mouvements ont pris fin. Songez que dans la deuxième moitié des années 90, il n'existe pas moins de 12 fronts rebelles. Ah, ce qui doit bien arranger, entre parenthèses, le pouvoir central. Hein. Forcément. À Niamey, on joue incontestablement sur cette division. En tout cas, bon gré mal gré, le pouvoir contient les rébellions et conclut même quelques accords avec les dissidents. On voit même le principal rival de Manu Dayak, Rissa Boula, devenir ministre. Ah, il est allé à la soupe, comme aurait dit le général de Gaulle. Ça y ressemble. Il va rester ministre 8 ans, un record de longévité au Niger. Ouais. Mais est-ce que cette nomination ministérielle permet au moins d'assurer un certain retour au calme? Jusqu'en 2004, oui. Alors que se passe-t-il cette année-là? Accusé de corruption et d'avoir commandité l'assassinat d'un politicien, Boula est démis de ses fonctions et incarcéré. Aussitôt, les troubles recommencent dans le Nord. Et ça ressemble à des représailles, ça. Certainement. Mmh. Et destiné à obtenir la libération du leader Touareg. Mais en 2005, Kadhafi, qui n'avait plus fait parler de lui au Niger depuis un certain temps, s'entremet. Des otages sont libérés et le Front de Libération remet même ses armes aux autorités. Toutefois, l'accalmie est de courte durée. Et d'abord parce qu'une nouvelle sécheresse menace. Mais une fois encore, c'est la question de l'uranium qui est au centre de l'affaire. Et c'est une véritable partie de bras de fer qui s'engage entre la rébellion, qui redouble d'activité à partir de 2007, et le pouvoir. Et au milieu, il y a la France, hein, ou plutôt Areva, la société qui a succédé à la COGEBA. Cette affaire de l'uranium est d'autant plus cruciale qu'à cause de la crise mondiale de l'énergie, le cours du minerai flambe. Conséquence logique. Le gouvernement nigérien fait monter les enchères. C'est naturel. Et au passage, il fait jouer la concurrence en invitant des sociétés chinoises de plus en plus présentes en Afrique à s'intéresser à son uranium. Donc si je comprends bien, Areva est soumis à une sorte de chantage. Et ça se complique encore quand on observe que l'entreprise française doit aussi faire face à des attaques de plus en plus déterminées des réseaux de vigilance sur le nucléaire d'ONG françaises et nigériennes. Et que lui reproche-t-on alors? De polluer, aussi d'exposer ses travailleurs à la radioactivité sans prendre les précautions nécessaires à ce genre d'exploitation. Et qu'en est-il vraiment? Je ne suis pas un spécialiste et il est difficile de vous répondre. Il n'empêche que ses critiques semblent fondées. Mais c'est bien sûr la pérennité de son activité au Niger qui préoccupe en priorité Areva. Et là, tous les coups bas sont permis. Expliquez, là. Le président Tandja veut plus, toujours plus pour son pays. Et un accord est à peine signé qu'il exige de vendre encore plus cher son uranium. Ce qui me paraît logique, hein, pour le dirigeant du pays le plus pauvre du monde. Et du côté français, alors, comment réagit-on? D'abord, on en réfère au gouvernement, à lui de faire en sorte d'obtenir des accords d'État. Mais il existe aussi d'autres tentations. Ne pas un hasard si Areva a engagé pour diriger ses affaires nigériennes des hommes qui connaissent très bien l'Afrique et depuis fort longtemps. Et je vois où vous voulez en venir, là, des hommes de réseau liés aux services de renseignement. Par exemple. Et certains finiront d'ailleurs par se faire expulser du Niger. Pourquoi? Parce que Niamey les a suspectés d'avoir parti liés avec des factions rebelles et de leur avoir distribué d'importantes sommes d'argent. D'accord, mais dans quel but alors? D'assurer la protection des sites miniers. Dans d'autres milieux, ça s'appelle du racket. Oui, en effet. Mais en jouant ainsi, Areva pouvait aussi exercer à son tour une sorte de chantage sur le pouvoir nigérien. Ah ouais, si vous nous étranglez financièrement, on aide la rébellion Touareg. Vous avez parfaitement compris. C'est dans ce contexte très tendu de chantage réciproque qu'il faut situer la malheureuse aventure de votre confrère de RFI, Moussa Kaka, emprisonné sous le seul prétexte qu'il a fait son travail de journaliste en prenant langue avec des représentants de la rébellion. Mais ces deux confrères d'Arte qui travaillaient avec lui ont été libérés. Certes, parce qu'ils étaient blancs et qu'à Paris, on a fait ce qu'il fallait. Mais Moussa Kaka est noir et nigérien de surcroît. Alors à noter à propos de Moussa Kaka, le 19 août 2008, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Niamey a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Accusé de complicité d'atteinte à l'autorité de l'État pour ses contacts professionnels avec la rébellion Touareg, Moussa Kaka est emprisonné dans les geôles nigériennes depuis le 20 septembre 2007, soit exactement jour pour jour depuis un an. Vous pouvez signer en faveur de sa libération, je vous donne le site sur lequel vous pourrez écrire libérer Moussa en un seul mot @rfi.fr.